Voilà, une vie commence, elle se passe, mais ça passe vite quand même. Ça passe vite, oui, je me dis, ah, 100 ans, 100 ans, ça paraît énorme, 100 ans. Ben oui, ça passe. Et ça sera fait, on ne change rien. J'ai rien à changer. Non. Maintenant, je souhaiterais partir parce que je ne voudrais pas me dégrader, je ne voudrais pas être à charge. Déjà comme ça, ma fille vient me voir tous les soirs. Alors là, je voudrais partir. Mais mon mari disait toujours, notre destin, il est écrit. Alors, ben, il est écrit quelque part, je ne sais pas où, mais oui. Il paraît que notre vie est écrite d'avance. Voilà, ben, j'ai passé mes 100 ans. Je suis née à Arras. Donc, je suis née le 3 mars, mais je ne sais pas quel jour c'est. Je suis bien du Pas-de-Calais et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 7 ans avec mes parents. Mon père était au chemin de fer, mais comme pour sa situation, on devait déménager. On est allé habiter près de Douai. Et là, j'avais 7 ans quand je suis arrivée à Corbeheim, exactement. C'est une petite commune qui se trouve à 4 km de Douai. Donc, j'étais à l'école. Après mon certificat, mes parents m'ont... Comme on était près de Douai, je suis allée dans une école, on appelait ça à l'époque primaire supérieure. Il y avait ça pour continuer des études ou le baccalauréat. Mais à mon époque, ceux qui continuaient pour le bac, c'était soit pour être prof ou médecin, comme moi. Mes parents, on était 4 enfants, n'auraient pas pu se permettre de nous laisser à l'école jusqu'à plus de 20 ans. Mais j'ai passé quand même le concours des bourses que j'ai obtenu. Ça m'a permis de continuer. Dans une école, on appelait ça école primaire supérieure, pour avoir mon brevet élémentaire. Et mes parents auraient espéré que je sois dans l'enseignement, mais je n'aimais pas. Alors, quand j'ai eu mon brevet, je suis rentrée comme employée à la mairie de ma commune. Et j'y ai travaillé 6 ans. Comme j'avais 16 ans, j'ai travaillé jusqu'à mon premier enfant. Je me suis mariée à 20 ans et j'ai eu un enfant. Mais pas tout de suite, parce qu'on a eu une guerre à l'époque, en 39. Oui, comme j'étais en 23, j'avais juste 16 ans. Et pas, on était dans une commune près, il y avait pas mal d'industrie, des bombardements. Ma mère n'a pas voulu que j'aille... Je prenne le train tous les jours pour aller travailler à Douai. On n'osait plus ni partir par le train, ni on a peur de voyager parce que on avait peur des bombardements. Donc, une de mes amies avec qui j'avais été en école, on appelait ça école supérieure, hein. C'était ça ou le bac. Mais moi, à mon époque, ceux qui continuaient pour le bac, c'était pour être soit professeur ou médecin. Mais autrement, non. C'était beaucoup le brevet qui comptait. Donc, j'avais une amie de mon âge qui travaillait en mairie de la commune où j'habitais, c'était Corbeheim. C'était une commune, combien il y avait, 500 habitants. En somme, à Corbeheim, il y avait 4 ou 5 cités ouvrières. C'était Béguin, ça appartenait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des sucreries Béguin. Et Corbeheim, c'était un centre pour la sucrerie. On n'y fabriquait pas le sucre. On commençait. Enfin, il y avait dans les usines, on stockait les betteraves au moment de la récolte, et puis ils faisaient la mélasse. Et c'est cette mélasse qui était envoyée après dans une autre usine au-dessus de Douai pour fabriquer le sucre, le même qu'on trouve encore maintenant dans les boîtes, les sucres en morceaux. J'ai travaillé en 42. En 42, donc je suis née en 23, j'avais 19 ans. Oui, j'avais une amie qui travaillait à la mairie. J'étais avec mes parents. Ma mère avait peur que je prenne le train ou un bus pour aller travailler à Douai, à Corbeheim. On ne trouvait pas beaucoup de travail parce que les filles de mon âge, si elles allaient quand même jusqu'au brevet, elles rentraient chez Béguin. Elles s'étaient embauchées si les parents y étaient. Et comme mon père était au chemin de fer, il n'a fait aucune. Cet avantage-là. Donc, je suis restée quelques mois chez moi, que ma mère avait peur. On avait peur des bombardements, toujours. Et oui, j'avais une amie qui travaillait en mairie, et puis son père était douanier. Il venait d'avoir son changement. Elle venait me voir, me dit, si tu veux travailler, va trouver le maire, parce que je pars, moi. C'est ce que j'ai fait. J'étais embauchée à la mairie, ma commune. Et j'ai connu mon mari à ce moment-là. J'avais à peine 19 ans, peut-être quand même, oui. Mon mari travaillait au chemin de fer, à la gare. Et mes parents habitaient dans la cour de la gare. Comme mon père était cheminot aussi, c'était un logement qui appartenait à SNCF. Donc, on était bien, on était heureux. Non et j'y suis. Oui, je me suis mariée en 2. J'avais 19 ans, oui. Et seulement, on était en guerre. Hein. La guerre, c'est à partir de 39. Donc, on voulait pas avoir d'enfants. Hein. C'était préférable. Et c'est pour cette raison qu'on a eu notre premier enfant en 46. Tout allait bon. Jamais été malheureuse parce que d'abord j'avais eu très bons parents et puis bon, j'ai eu en 46, donc j'ai eu mon premier enfant, et mais là le malheur s'est abattu sur nous quand même parce que il est mort en 6 mois. Il a fait c'est une épidémie qu'il y a eu à ce moment-là et il en est mort. Je voulais plus avoir d'enfants parce que j'avais eu trop de chagrin et mais bon, les docteurs ne me l'ont pas conseillé. Donc, un an après, j'ai eu une petite fille. Mon mari a eu son changement. On était dans la Somme, un petit peu plus loin. Mais pour sa situation, on a dû déménager. Après, je vous ai dit que j'ai eu un garçon, hein, c'est ça. Mais il est décédé. Après, j'ai une fille et puis une deuxième fille. 2 ans après, celle qui vient, qui est folle, Evelyne. Et puis, un garçon. J'ai élevé 3 enfants. Alors, puis bon, la vie a continué. Mon mari a eu son changement. On est parti dans la Somme. Alors, mon mari a trouvé qu'on était bien. Alors, il dit, on ferait pas mal de faire bâtir pour retrouver la maison à la retraite, c'est ce qu'on a fait. Et mes parents sont venus habiter. C'était à Albert, exactement. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une ville de 10 000 habitants entre Arras et Amiens. C'est à 20 km d'Amiens. J'arrêtais mon travail. Il est vrai qu'à à Corbeheim, les femmes d'ouvriers arrivaient à se faire embaucher chez Béguin et on a fait 2 autres petites usines aussi. Corbeheim, en somme, c'était ces petites usines et leur cité. Il y avait 4 ou 5 cités pour leurs ouvriers. Oui. Voilà, mon mari a eu son changement pour Albert. Il a travaillé en gare d'Albert jusqu'à sa retraite. On a pu bouger et ça m'a permis. Et mes parents sont venus se retirer aussi, commencer à vieillir pour que je puisse m'occuper d'eux. Mon père est décédé. Bon, il n'était pas enfin, il était en retraite, mais pas encore très vieux. Bon, et j'ai pu m'occuper de ma mère jusqu'à jusqu'elle décède. Elle a vécu jusqu'à 86 ans. Et puis, bon, après, mon mari est tombé malade assez jeune. Il avait, au chemin de fer, il a eu sa retraite à 55 ans. Mais à 57, il a fait un infarctus et sa santé s'est jamais... Elle a décliné, quoi. Pouvait plus, même plus voyager, alors qu'on voyageait gratuitement. Ben, oui. Et il décédait à 67 ans. Puis après, bon, ben, mes enfants, les enfants ont grandi, ils sont mariés, mais malheureusement, mon fils a eu un accident. Il avait 21 ans. Il était marié et il est décédé à ce moment-là. Et après, ben, ça nous a démolis, mon mari et moi. Et lui, mon mari, est décédé. On sait combien de temps après, je ne peux plus vous dire. 2 ans, peut-être après. Mais... mon fils, bon, parti aussi, fallait que je me rapproche un petit peu de mes deux filles. Elles étaient casées toutes les deux. Une était infirmière, elle a fait toute sa carrière, pas là, trop loin de nous. Et puis l'autre voulait être coiffeuse. Elle s'est installée à Blériot et depuis, elle y est toujours, mais pas de chance non plus, elle vient de perdre son mari. Et elle m'a fait revenir ici, c'est elle qui m'a fait revenir ici à la résidence, parce que j'étais toute seule à Albert. Voilà, en gros, voilà, ma vie. J'ai des petits-enfants qui m'adorent, ils sont d'une gentillesse. J'en ai à Coulogne, ici, à Calais. Alors, je suis près quand même de la famille. Je suis heureuse pour vieillir. Je ne peux pas en souhaiter mieux. Les plus mauvais moments, c'est la guerre. Alors, c'est ma hantise, ça. Quand la guerre s'est déclarée en Ukraine, j'étais malade, choquée, parce que c'est ce qui est le plus terrible. Ouais. Le reste, on peut s'en sortir, mais la guerre, c'est terrible. Et ma mère a été choquée aussi, parce que j'étais enfant, quelquefois, j'entendais crier. C'était ma mère. Toute sa vie, elle a eu des cauchemars. Tellement elle a souffert en 14-18, parce qu'elle s'est retrouvée toute seule en Belgique. Elle travaillait, mais elle s'était rapprochée d'un de ses oncles pour eux sont pour travailler. Ses parents étaient restés dans le Pas-de-Calais. Et toute sa vie, elle eut des cauchemars. Que ses sûrement, il y a eu trop de solitude et puis la peur, sûrement. À cause de la guerre. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus affreux. Oui, on a eu des bombardements près de... Nous, on habitait près de la gare de Courbevoie, à côté de Douai, et juste comme d'ici aux maisons, vous voyez là-bas, il y avait une cité Béguin. Ben, il y a des bombardiers qui sont passés, qui ont suivi toute cette série de maisons. Alors, après, nous, on se mettait dans des abris. Et quand on est sorti de l'abri, c'était comme d'ici. Là-bas, je vois il y avait comme une cité, là. On est parti à cette cité. Ben, il y avait des bombes qui étaient tombées sur ces maisons. Et j'avais une amie, son corps était allongé dans le jardin. Alors, on voyait comme d'ici au bout du terrain, là. Ben, c'est un mannequin, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on s'est approché. Ben, c'était son corps qui avait été projeté avec les bombes qui étaient tombées. Il avait été projeté comme ça. Et elle était étalée comme un mannequin qui aurait été posé. Et je vois encore comme si c'était hier. Ah oui, ça frappe, c'est affreux. Hein. Oui, il y a des choses tristes comme ça qui restent quand même dans la mémoire. Ça reste toute la vie. Voilà.